Petit pouce, es-tu là? Oui. Oui, tu sors? Oui, tu sors. Ok. Compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.